David Herbert Lawrence, L'étrange cheval de bois. Elle n'avait pas de chance. Pourtant, elle était jeune, belle, favorisée par tous les avantages que la vie peut donner, mais elle n'avait pas de chance. Elle se maria par amour, et l'amour s'effrita en poussière. Elle avait de beaux enfants, un garçon et deux filles, mais elle les trouvait embarrassants et n'arrivait pas à les aimer. Il la regardait avec indifférence, semblant trouver une faute en elle qu'elle-même ignora toujours. Pourtant, en présence de ses enfants, elle sentait tout de suite quelque chose de dur en son cœur. Cela l'inquiéta et, à sa manière, elle redoublait de tendres attentions, comme si elle les chérissait vraiment. Mais elle savait, en son fort intérieur, qu'au centre de son cœur, il y avait une petite glace dure qui ne pouvait ressentir ni amour, ni tendresse, non, pour personne. Tout le monde disait d'elle « C'est une si bonne mère, elle adore ses enfants. » Mais elle et les enfants eux-mêmes savaient que ce n'était pas vrai. Il demeurait dans une charmante villa avec un ravissant jardin et des domestiques parfaits. De tout le voisinage, ils étaient les plus distingués. Et, bien qu'ils vivaient en grand style, ils ressentaient une certaine anxiété rôder dans la maison. Il n'y avait jamais assez d'argent. Les revenus de son époux et les siens propres étaient loin d'être suffisants pour soutenir leur situation sociale. Les projets et les affaires du mari, bien que très bons, n'aboutissait jamais, et sans cesse on sentait la menace du manque d'argent, bien que tout dans la maison marchait sur un grand train. « Si j'essayais de faire quelque chose, » pensa-t-elle un jour. Mais elle ne savait par où commencer, et ses efforts pour ceci ou cela furent vains. La hantise commença. Une phrase, constamment dans la pensée des parents, mais jamais prononcée ouvertement, imprégnait la maison. « Il faut encore de l'argent, il faut encore de l'argent !» Les enfants l'entendaient chuchoter par leurs luxueux jouets de Noël. « Encore de l'argent !» murmurait l'élégante poupée rose au gros cheval à ressort. « Oui, encore de l'argent !» hennissait-il tout bas à l'ours de peluche qui, tout étonné, grognait en répétant à l'énorme maison de poupées « Il faut encore de l'argent !» Et les enfants s'arrêtaient de jouer, attentifs un moment, se regardant, leurs beaux yeux questionnant « A-t-il entendu ce que j'ai entendu ?» Et tous savaient qu'ils avaient entendu le murmure secret de toute la maison, ce murmure envahissant, oppressif, latent. « Il faut encore de l'argent !» Encore de l'argent. Mère, demanda un jour le petit Paul, pourquoi n'avons-nous pas une automobile? Pourquoi allons-nous toujours dans celle de l'oncle ou dans un taxi? Parce que nous sommes les plus pauvres de la famille, répondit-elle sèchement. Mais pourquoi sommes-nous pauvres, maman? Oh, dit-elle lentement et amèrement, je suppose que s'il en est ainsi, c'est parce que ton père n'a pas de chance. » Pendant un long moment, l'enfant garda le silence. Puis, timidement, « Mère, est-ce que la chance, c'est de l'argent ?»« Non, Paul, pas tout à fait. La chance, c'est ce qui fait venir l'argent. » « Alors papa n'est pas chanceux ?»« Non, très malchanceux, » dit-elle amèrement. L'enfant la regarda avec des yeux pleins de doutes. « Et toi, maman, tu n'as pas de chance non plus ?»« Évidemment non, si j'ai épousé un homme malchanceux. » L'enfant la regarda curieusement, comme pour surprendre la vérité. Mais le pli de sa bouche disait qu'elle lui cachait quelque chose. « Eh bien, n'importe, » dit-il avec force, « moi, j'ai de la chance. »« Et pourquoi ?» dit-elle en riant subitement. Il la fixait, interdit, ne sachant même pas pourquoi il avait dit cela, et très fièrement, il s'écria, « Dieu me l'a dit !»« Eh bien, je l'espère !» Et son rire devint amer. Mais l'enfant comprit qu'elle ne le croyait pas, ou plutôt n'attachait aucune importance à sa déclaration. Ceci le fâcha, et il désira forcer son attention. Il partit, boudeur, cherchant dans sa tête enfantine la clé de la chance. Et depuis ce jour, absorbé en ce problème, il chercha, chercha sans cesse. Il voulait de la chance, il en voulait à toute force. Lorsque ses petites sœurs s'amusaient à la poupée, il sautait sur son beau cheval à bascule et chargeait follement, cravachant son cheval de bois, secouant ses boucles noires, excité, les yeux pleins d'une étrange lueur. Les petites filles n'osaient pas lui parler. Arrivé au terme imaginaire de son étrange galopade, il descendait de sa monture et gravement considérait son beau coursier de bois, aux narines fumantes, aux yeux enflammés, à la crinière fringante. « Et maintenant, » commandait-il silencieusement, mais avec force, « maintenant, emporte-moi au pays de la chance, où il y a de la chance, emporte-moi. » La cravache s'abattait furieusement sur le cou du cheval. Il sentait, il savait que son coursier, s'il pouvait le forcer, le conduirait là où il y avait de la chance. Et il repartait exalté, plein d'espoir, au grand galop, basculant violemment. Il savait qu'il y arriverait. « Vous casserez votre cheval, » disait la nurse. « Il galope toujours comme ça, je voudrais bien qu'il s'arrête, » remarqua sa sœur Jeanne. Il leur jeta en silence un regard flamboyant. Un jour, sa mère et l'oncle Oscar entrèrent pendant une de ces courses fantastiques. Il ne leur dit pas un mot. « Allô, jeune jockey, montez sur un gagnant ?» s'exclama l'oncle en riant. « N'es-tu pas trop grand pour un cheval à bascule ? Tu n'es plus un petit garçon, Paul !» remarqua sa mère. Mais Paul leur lança un regard bleu de ses grands yeux assez rapprochés. Il ne parlait à personne quand il était ainsi parti. Sa mère, anxieusement, le regardait. Enfin, subitement, il arrêta le galop mécanique et descendit de sa bête. « Eh bien, je suis arrivé, là » déclara-t-il sauvagement, les yeux brillants, les jambes bien campées. « Où es-tu allé ?» lui demanda sa mère. « Où je voulais aller ?» répondit Paul assez vertement. « très bien, » dit l'oncle Oscar. « Ne t'arrête jamais avant d'arriver. Comment s'appelle ton cheval ?»« Oh, il a différents noms. La semaine dernière, il s'appelait Sansovino. » « Sansovino, hein ? Il gagna le Grand Prix d'Ascot. Comment savais-tu son nom ?» demanda l'oncle Oscar, très intrigué. « Il parle toujours des chevaux de course avec Bassett, » lança sa sœur Jeanne. L'oncle était enchanté d'apprendre que son neveu était au courant de toutes les courses. Bassett, le jeune jardinier, blessé à la guerre et qui devait sa place actuelle à l'oncle Oscar, était un grand amateur du turf. Il ne vivait que pour les courses, et Paul de même. Oscar Creswell sortit à la recherche du jeune jardinier et le questionna sur cette passion de son neveu. « Master Paul vient me demander, et je ne peux pas faire moins que de lui répondre, monsieur, » expliqua Bassett, très sérieux, comme s'il parlait d'une chose sacrée. « Et paraît-il sur le cheval qu'il lui plaît ?»« Eh bien, je ne veux pas trahir son secret. C'est un jeune sportman, tout à fait sportman, et il y prend beaucoup de plaisir. Si monsieur voulait, peut-être pourrait-il le lui demander lui-même. » L'oncle Oscar revint vers son neveu et l'emmena pour une promenade dans son automobile. « Dis, Paul, mon petit bonhomme, est-ce que tu paries sur les chevaux de course ? » demanda-t-il sans préambule à l'enfant. Celui-ci le fixa un instant. « Pourquoi ? Pensez-vous, mon oncle, que je ne devrais pas le faire ? » plaça-t-il très habilement. « Oh, pas du tout, je pensais au contraire que tu pourrais me conseiller pour le Grand Prix aux courses de Lincoln. » L'auto filait à travers la campagne, vers la propriété de l'oncle Oscar dans le Hampshire. « Parole d'honneur, mon oncle !»« Parole d'honneur, mon fils !»« Eh bien alors, pariez sur Daffodil !»« Daffodil ? J'en doute, mon petit. Et Mirza ?»« Je ne connais que le gagnant, c'est Daffodil !» Puis suivit un moment de silence. Daffodil était un cheval plutôt médiocre. « Mon oncle ? Eh bien, mon fils, vous ne le direz à personne, n'est-ce pas ? Je l'ai promis à Bassette. »« Oh, diable, Bassette ! Qu'a-t-il à faire là-dedans, mon petit bonhomme ? » ?»« Nous sommes des associés. Nous l'avons été dès le commencement, oncle Oscar. Il m'a prêté les 5 premiers shillings que j'ai perdus. Je lui ai promis, parole d'honneur, que c'était seulement entre nous. Seulement, vous m'avez donné un billet de 10 shillings avec lequel j'ai commencé à gagner. Alors j'ai pensé que vous étiez chanceux. Vous ne le direz à personne, n'est-ce pas, mon oncle ? » Le jeune garçon le regardait intensément avec ses grands yeux d'un bleu étrange. L'oncle se mit à rire, d'un rire troublé. « Tu as raison, petit. Je garderai ton conseil tout à fait privé. Daffodil, alors ? Combien mets-tu dessus ? » ?»« Je parie pour 300 livres, dit Paul gravement. « Mais, mon oncle, c'est entre vous et moi, parole d'honneur !» L'oncle éclata de rire. « Oh, tout à fait, tout à fait ! Mais où gardes-tu ces 300 livres, jeune millionnaire ? Bassette les garde pour moi, nous sommes partenaires !» Après avoir été amusé et étonné, l'oncle devint silencieux et ne parla plus de l'affaire. Mais il décida de prendre le petit Paul avec lui aux courses de Lincoln. Arrivés au champ de course, le jour suivant, le riche amateur du turf se tournait vers son neveu. « Maintenant, petit homme, je mets 20 livres sur Mirza et 5 pour toi sur le cheval que tu voudras. Lequel choisis-tu ? Daffodil, oncle Oscar. » Non, mon petit, pas 5 sur Daffodil. Je les mettrais si elles étaient à moi. Bon, bon, tu as raison si tu penses ainsi. 5 pour moi et 5 pour toi sur Daffodil. C'était la première fois que Paul voyait une course de chevaux, et ses yeux étaient de feu bleu. Il pinçait la bouche et dévorait la piste du regard sans bouger. Daffodil arriva premier, Mirza troisième. L'enfant, tout rouge, les yeux étincelants, semblait curieusement calme. Son oncle lui apporta 5 billets de 5 livres, 4 pour 1. « Qu'est-ce que je dois faire avec tout cela ? » criait-il joyeusement, en montrant de loin les billets au jeune garçon. « Nous en parlerons à Bassette. Je dois avoir maintenant 1500 et 20 en réserve, et ces derniers 20. Mais cela doit rester entre vous et moi, parole d'honneur. » « Parole d'honneur, sois certain, Paul, mais je dois parler à Bassette. Si vous vouliez vous associer, oncle Oscar, avec Bassette et moi, nous pourrions être tous partenaires. Bassette et moi, nous avons de la chance. Vous devez en avoir aussi, car c'est avec vos 10 shillings que j'ai commencé à gagner. » L'oncle Oscar emmena Paul et Bassette un après-midi au parc de Richmond, et là, tous trois, ils discutèrent. Ah, oh, monsieur, voyez-vous, c'est comme ça, commença Bassett. Master Paul me fait raconter des histoires de course, si j'ai perdu, si j'ai gagné. Il y a bientôt un an que j'ai parié 5 shillings pour lui sur Blush of Down. Et nous avons perdu. Et puis la chance a tourné, avec vos fameux 10 shillings sur Singlees. Et depuis, ma foi, les choses n'ont pas mal marché du tout, n'est-ce pas, Master Paul? Oh, tout va bien quand nous sommes sûrs, dit l'enfant. Mais si nous ne sommes pas tout à fait sûrs, nous perdons. Ah, vous perdez ces fois-là? Mais alors, qu'est-ce qui te rend tout à fait sûr? Je ne sais pas, dit l'enfant tout gêné. Je le sens, mon oncle, voilà tout. C'est comme s'il le tenait du ciel, réitéra Bassett gravement. En effet, murmura l'oncle pensif. Il s'associa avec son neveu, et, pour les courses de léger, Paul était sûr d'Étincelle, qui n'était qu'un cheval médiocre. L'enfant insista pour 1000 livres. Bassett y plaça 500 et l'oncle 200. L'Étincelle gagna et rapporta 10 000 à petit Paul. L'oncle s'inquiéta. « Mon petit, dit-il, en considérant longuement l'enfant, cette sorte de chose me rend tout à fait nerveux, ça me fait peur. Mais que feras-tu de tout ton argent, petit bonhomme ?»« Mais, mon oncle, c'est pour maman, naturellement. Elle dit qu'elle n'a pas de chance, parce que papa n'est pas chanceux. Alors j'ai pensé que si j'avais de la chance, je pourrais arrêter les chuchotements de la maison. » Mais je n'aimerais pas que maman sache que j'ai de la chance, mon oncle. Très bien, on s'arrangera qu'elle ne sache rien. Cela s'arrangea très facilement. Paul, suivant le conseil de son oncle, lui remit 5 000 livres, qu'il déposa chez l'avocat de la famille, lequel prévint la mère de Paul qu'un parent éloigné avait déposé 5 000 livres pour elle. La dite somme devant être payée à raison de 1 000 livres par an, pendant 5 ans, à chaque anniversaire de la mère. Le jour de sa naissance était en novembre, et les murmures avaient augmenté dernièrement. Paul ne pouvait plus le supporter. Grande était sa curiosité de voir l'effet de la lettre parlant des 1 000 livres pour sa mère. Le jour de son anniversaire, elle descendit, ponctuelle, pour son petit déjeuner. Paul observait, sans rien dire, le visage maternel pendant qu'elle lisait son courrier, très volumineux ce matin-là. Elle en vint à la lettre de l'avocat. L'enfant la reconnut tout de suite, et son attention se tendit davantage. En la lisant, le visage de sa mère devint dur, fermé, sans expression, puis sa bouche eut un pli froid et déterminé. Elle cacha la lettre parmi la pile des autres missives et n'en dit pas un mot. « Oh, mère, n'y avait-il pas quelque chose de bon dans votre courrier pour votre anniversaire ce matin ?» hasarda l'enfant. « Oh, modérément bon, répondit-elle, d'une voix froide et distante. Elle descendit en ville sans ajouter un mot. Cet après-midi-là, l'oncle Oscar vint présenter ses bons souhaits et confia au jeune garçon que sa mère avait eu le matin même une longue entrevue avec l'avocat, demandant si les 5 000 livres ne pouvaient pas être touchées en une seule fois, car elle avait beaucoup de dettes. « Eh bien, qu'on lui verse les 5 000 d'un coup, nous pouvons en gagner davantage aux autres courses. » L'oncle Oscar signa la donation, et la mère de Paul reçut les 5 000 livres. Alors, il arriva quelque chose d'étrange. Les voix de la maison devinrent subitement affolées, comme les chants des grenouilles un soir de printemps. Il y eut de nouveaux meubles de luxe dans la maison. Et Paul eut un tuteur. Il fut décidé qu'il irait, en octobre, au grand collège de Eton, le collège le plus distingué, celui où son père avait été élevé. En plein hiver, les vases furent remplis de fleurs, et partout dans la maison éclatait le luxe auquel la mère de Paul avait été habituée. Et pourtant, les chuchotements de derrière les branches de mimosa ou de fleurs d'amandier, de dessous les amas de coussins soyeux et chatoyants, les voix de la maison modulaient et criaient sans cesse en une sorte d'extase. « De l'argent ! De l'argent ! Oh ! Oh ! Oh ! Il faut encore de l'argent ! Et maintenant, maintenant, il en faut plus que jamais ! Oh, oh, oh, plus que jamais !» L'enfant en devint épouvanté. Le Grand Prix national était passé, et il n'avait pas su, et il avait perdu 100 livres. L'été approchait, et il sentait une sorte d'agonie en pensant au Lincoln. Même pour ces courses-là, il ne sut pas, et perdit encore 50 livres. Il devint étrange, les yeux fous, comme si quelque chose allait éclater en lui. « Je dois savoir pour le derby, je dois savoir pour le derby !» se répétait sans cesse le pauvre garçon, ses grands yeux bleus emplis d'une sourde folie. Sa mère remarqua sa mine tirée, toute défaite. « Il vaudrait mieux que tu ailles au bord de la mer pour changer d'air, au lieu d'attendre ici. » lui dit-elle un jour, le cœur curieusement alarmé pour la première fois. Mais Paul leva ses yeux si bleus, si étranges. « Mère, je ne pourrais pas partir avant le derby. Vraiment, c'est impossible. » « Et pourquoi pas ?» Sa voix devint dure, comme toujours, devant une opposition. « Pourquoi pas ? Tu pourras toujours revenir de là-bas pour voir les courses avec ton oncle. » Si c'est ce que tu désires, inutile pour toi d'attendre jusque-là. D'ailleurs, je trouve que tu penses beaucoup trop à ces courses. C'est un mauvais signe. Va au bord de la mer et n'en parlons plus. Tu es devenu si nerveux. Oh, maman, je ferai tout ce que vous me demanderez, si seulement vous ne me renvoyez pas avant le derby. Drôle d'enfant, qu'est-ce qui te plaît tant dans cette maison ? Longtemps, il regarda sa mère sans dire un mot. Son grand secret contenait un autre secret qu'il n'avait confié à personne, pas même à Bassett, pas même à l'oncle Oscar. Sa mère, après une certaine hésitation, lui dit d'un ton grave « C'est bien, tu iras à la mer après le derby, comme tu le désires. Mais promets-moi d'être plus calme. » Promets-moi de ne plus penser aux courses. » Les grandes courses du derby approchaient, et l'enfant devenait de plus en plus surexcité, bizarre même. Il entendait à peine ce qu'on lui disait, s'amaigrissait, et ses yeux, oh, ses yeux, avaient un éclat insoutenable. Sa mère devenait subitement inquiète, anxieuse, et sentait l'impulsion d'accourir près de lui et de savoir qu'il ne courait point de danger. Deux nuits avant le derby, sa mère était en ville, invitée pour une grande soirée chez des amis. Lorsque subitement elle fut prise d'une extrême angoisse pour son fils, son premier-né. Une angoisse si forte qu'elle pouvait à peine parler. Elle lutta contre cette sensation, car, avant tout, elle croyait au bon sens. Mais cela devint si terrible qu'elle dut quitter la danse pour téléphoner à la maison. La gouvernante des fillettes en fut toute alarmée. « Miss Wilmot, les enfants vont bien ?»« Oui, madame, tout à fait bien. »« Et Master Paul ?»« Il est allé se coucher à l'heure juste. Monterai-je pour voir s'il n'a besoin de rien, madame ?» « Non, non, ne le dérangez pas. C'est tout ce que je voulais savoir. » Il était environ 1 heure lorsque les parents de Paul arrivèrent à la maison. Tout était tranquille. Rapidement, sa mère remonta dans sa chambre et enleva son manteau de fourrure blanche. Elle avait dit à la femme de chambre de ne pas l'attendre. En bas, elle entendit son mari se préparant un whisky and soda. Alors, cédant à son étrange angoisse, sans bruit, elle monta vers la chambre de son fils en se glissant le long du corridor. Entendait-elle un faible bruit? Qu'est-ce que c'était? Elle s'arrêta, les nerfs tendus, le cœur battant, à la porte de l'enfant. Elle entendait un bruit étrange, lourd et sourd. Son cœur un instant s'arrêta. C'était un bruit étouffé et pourtant actif et puissant, suggérant quelque chose d'énorme, une motion violente mais retenue. Qu'était-ce donc? Par le ciel, qu'était-ce donc? Elle devait savoir. Elle sentait qu'elle connaissait ce bruit, mais ne pouvait pas le placer dans sa mémoire. Elle ne pouvait pas dire ce que c'était, et pourtant le connaissait bien. Et le bruit continua, affolant en son rythme étrange et lourd. Doucement, glacée d'angoisse et de peur, elle tourna lentement et sans bruit le bouton de la porte et l'entr'ouvrit imperceptiblement. La chambre était plongée dans l'obscurité. Pourtant, près de la fenêtre, elle crut voir et entendre quelque chose se balançant frénétiquement. Elle regarda, tremblante et curieuse à la fois. N'y tenant plus, subitement elle tourna le bouton électrique et vit son fils, en pyjama vert, galopant comme un fou sur son cheval de bois. Le flot de lumière l'inonda au moment où il se levait sur les étriers, comme inspiré par l'animal animé, elle se tenant toute droite contre la porte, en sa robe vert pâle, brodée de perles. « Paul, Paul » cria-t-elle, « que fais-tu ? C'est Malabar ! » hurla-t-il d'une voix étrangement puissante. « C'est Malabar !» Ses yeux flamboyèrent un instant, sans la voir, regardant dans l'invisible. Puis il s'écroula tout d'une masse, et elle se précipita pour le ramasser. Il était inconscient, et resta inconscient plusieurs jours, dévoré par la fièvre cérébrale. Il parlait et s'agitait sans cesse, et sa mère, comme une statue de pierre, veillait à ses côtés. « Malabar, c'est Malabar ! Bassette, Bassette, je sais, c'est Malabar !»« Que veut-il dire par Malabar ?» demanda la mère au cœur pétrifié. « C'est le nom de l'un des chevaux du derby, » informa l'oncle Oscar. Et malgré lui, Oscar parla à Bassette et lui-même plaça 1000 livres sur Malabar, à 14 pour 1. La fièvre devint fort dangereuse. On attendait anxieusement un changement. Le jeune Paul, avec ses longues boucles blondes, roulait incessamment la tête sur l'oreiller. Il ne dormit point et ne reprit point connaissance, et ses yeux bleus semblaient de pierre. Le soir, l'oncle Oscar ne vint pas. Mais Bassette demanda s'il pouvait voir Master Paul pour une minute, rien qu'une minute. D'abord la mère refusa, fâchée de cette intrusion, puis, réfléchissant, accorda la permission. Le jardinier se dirigea sur la pointe des pieds vers le lit du malade, le regardant fébrilement. « Master Paul !» à voix basse. « Master Paul !» Malabar est arrivé le premier. Grand gain. Vous avez gagné plus de 70 000 livres. Malabar est arrivé le premier, Master Paul. Malabar, Malabar, et je dis, Malabar. Mère, et je dis Malabar. J'ai de la chance, mère, j'ai de la chance. Je savais que c'était Malabar, n'est-ce pas? 70 000 livres. Je le savais, je savais que je le savais. Malabar le premier. Si je monte mon cheval de bois jusqu'à ce que je sois sûre, alors on peut y aller fort, n'est-ce pas, Bassette? Maman, vous ne saviez pas, j'ai de la chance. » L'enfant mourut pendant la nuit. Raide, debout devant son chevet, La mère entendit la voix de l'oncle Oscar. « Mon Dieu, Esther, vous avez gagné 70 000 livres et perdu un fils. Mais pauvre petit diable, peut-être c'est mieux pour lui qu'il soit hors d'une vie où il galopait avec la mort sur un cheval de bois pour trouver le gagnant. »